Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 15. Podcast Science un peu particulier parce que sans Mathieu cette semaine, Mathieu a réussi à se promener la tête en bas dans l'hémisphère sud. Il devait éventuellement nous rejoindre, mais apparemment ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Mais cette semaine, on a le plaisir de retrouver Antoine. Antoine, t'es là ? Oui, je suis là. Bonjour. Ah, salut Antoine. Ça va très bien ? Ça va très bien, merci. Ouais. Et toi, ça va très bien ? Ouais, tranquille. Tranquille. Bon, heureux d'être là, après une petite semaine d'absence. Donc voilà, on retrouve ces marques, Podcast Science, et voilà. C'est cool. Ouais. T'as fait tes devoirs, tes leçons de rattrapage, t'as écouté Paolo Ricci ? Ah, bien sûr, j'ai écouté Paolo Ricci, genre deux heures après l'intervention. Donc ça va, j'ai pas eu trop tard, c'était vraiment passionnant, quoi. C'était bien, hein ? Ah oui. En plus, vraiment précis, clair. Et faut aussi dire que ce que tu m'as dit en aparté, qu'il n'a appris le français qu'il y a 4 mois, c'est ça? Il a commencé en fait, il s'est mis au français il y a 4 mois. Ouais. Et 4 mois plus tard, il nous parle de plasma et tout, comme ça, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, tenir une heure sur la physique des plasmas quand c'est pas du tout ta langue maternelle et que tu la pratiques que depuis 4 mois, il faut y aller, quoi. Ah ouais. Chapeau. Et donc en plus, je crois que ça a rapporté un vif succès, ce truc. J'ai eu quelques retours sur Twitter, tout ça, qui nous disaient de Twittos, qui nous disaient que c'était vraiment un numéro super fun, super cool. Donc expérience à refaire, je pense, hein. Ouais, bah moi ça m'a donné envie de dénicher des invités. L'appel est lancé. Voilà. Si vous êtes scientifique, spécialisé d'un domaine, que vous avez des choses à dire, que vous savez les dire simplement, venez, on vous attend, venez nombreux. Voilà, l'appel est lancé. Yep. Bon, alors avec tout ça, on a un peu négligé notre devoir envers nos chers poditeurs. Ça fait quoi, 3 semaines, 4 semaines maintenant qu'on a lancé un sondage avec un concours et puis qu'on reporte les résultats de semaine en semaine. Là, il faut qu'on s'y mette quand même. Ah ouais. Donc on va annoncer les résultats, hein, ouais. Alan. Les résultats du sondage, donc évidemment, tout le monde s'y attendait, ce sont les constantes fondamentales de l'univers qui se dégagent largement en tête avec 21 votes. C'est un sujet que tu sens bien, t'as envie de le prendre, Antoine ? Moi, personnellement, j'avais très envie de le prendre, mais tu vois, mais comme il y a Mathieu, notre spécialiste de la physique théorique, tout ça, on va lui laisser parce que c'est vraiment le maître. Je suis sûr qu'il va nous pondre quelque chose du même acabit que sur la théorie des cordes. Tu vois le truc? Ouais, bah le succès qui se profile. Donc je laisse aux spécialistes le plaisir de traiter ce dossier, quoi. Ouais, ça va être l'événement de début 2011. Voilà. Deuxième sujet, c'est l'apprentissage de la lecture qui modifie le cerveau, avec 11 votes. Qu'on va fusionner avec la plasticité neuronale, parce que finalement c'est un peu le même sujet, donc finalement ça nous fait 18 votes, donc deuxième position pour ce vaste sujet. Celui-là, c'est toi qui t'y colle. Oui, celui-là, ouais, c'est moi. Et pour la semaine prochaine, je pense, pouvoir faire ça. Donc pour tous ceux qui ont voté, pour tous les autres, ben, rendez-vous la semaine prochaine pour l'apprentissage de la lecture. Excellent. Voilà. Voilà, troisième place, c'est la stérilisation de l'eau contaminée par les seuls rayons du soleil, avec 10 votes. Là, je vais m'y coller tout de suite, en fait. Je vais en parler, aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on a deux autres sujets qu'on va aussi fusionner, parce que finalement, ils sont assez proches. Comment est-ce qu'on arrive à bouger une souris avec des ondes cérébrales? Quelles ondes utilise-t-on? Et puis le deuxième sujet, c'est une machine qui arriverait à prédire un numéro qu'on choisirait au hasard moyennant une série d'entraînements. C'est Ben de Niptech Podcast qui nous avait demandé ces deux sujets. Donc hop, 5 votes chacun, on les fusionne, ça en fait 10. C'est aussi pour la semaine prochaine. Et puis du coup, je pense que c'est moi qui vais m'y coller. Voilà. Voilà, quant aux autres, ils n'ont eu que 3 à 5 votes misérables chacun. Non, c'est pas sympa de dire ça pour ceux qui ont voté. Mais enfin voilà, manifestement, ce sont des sujets qui intéressent un peu moins. C'était les inhibiteurs de la pompe à protons, la mort subite du nourrisson et le régime équilibre acido-basique. Alors peut-être qu'on y reviendra, peut-être pas, on va pas s'engager sur cela. À suivre. Ouais. Peut-être à traiter en actualité ou quelque chose comme ça, on verra. Ouais, voilà. Ouais. On verra bien, ouais. Donc voilà, mais vraiment merci à tous ceux qui ont voté. Hein. Je crois qu'ils ont été 40, tout pile. Tout pile. à voter. Et donc voilà, vraiment merci à vous de donner votre avis. Et ça nous permet d'avoir des sujets, des bons sujets à traiter qui risquent d'être vraiment très intéressants. Ouais, c'est vrai que c'est des chouettes sujets, hein, qui détonnent un peu comme ça, enfin des trucs qu'on n'aurait peut-être pas pensé à prendre spontanément ou qu'on n'aurait pas osé dans le cadre des constantes fondamentales. Donc vraiment très chouette. Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, c'était jumelé avec un concours, hein, Exactement, ouais. donc rappelle-nous le magnifique prix de ce concours. Alors, c'est le dernier ouvrage de Boris Cyrulnik. Qui traite de la peur, et je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai oublié le titre précis, c'est malin. Enfin bref, on va dire que c'est le dernier Cyrulnik, qui a une particularité, c'est qu'il est dédicacé de la main de l'auteur pour un auditeur de podcast Science. Donc voilà, donc magnifique cadeau, hein. En Ah plus, bah en ouais, cette c'est période chouette. de Noël, franchement, c'est classe. J'avoue, c'est Yep. classe. Alors Donc, pour participer au concours, en fait, il suffisait soit de répondre au sondage en laissant son nom, soit de ne pas répondre au sondage, mais de poster un commentaire, un tweet, une opinion sur Facebook. Donc l'une dans l'autre, on a 23 noms qui sont sortis du chapeau de personnes qui ont participé. Non, en fait, il y en a 22, mais il y en a un qu'on a mis deux fois, c'est Xavier Agnès, parce qu'il le mérite. Il tweet Voilà. à tout va, il nous fait une pub d'enfer. Oui, Ouais, lui il il rameute tweet la sur foule. Facebook, sur n'importe quoi, donc Exactement, ouais. c'est notre community manager à nous, C'est donc ça, ouais, spontané en plus. ouais, totalement Ouais, spontané. donc il méritait d'avoir deux fois plus de probabilités que les autres de sortir. Donc on les a numérotés de 1 à 23. Et puis bon, on va tirer ça au sort. Alors comment est-ce qu'on fait? Moi je tire au sort et puis toi tu as un œil sur la liste. Ok, c'est Ok, alors je parti. vais sur random.org. Un nombre à générer entre 1 et 23. Hop, generate. C'est le 21 qui est sorti. 21. Alors, Alain 21, c'est Minaret. qui? Alain Minaret. Alain Minaret, 21. Donc voilà, félicitations à toi. Tu gagnes donc ce livre dédicacé De Boris Cyrulnik. de Boris Cyrulnik, voilà. J'avais oublié le nom. Et voilà, donc contacte-nous pour nous donner tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ça voilà, au plus tôt possible pour un beau petit cadeau de Noël. Yep, et puis si le livre te plaît, si t'as appris des choses, t'es le bienvenu, bien entendu, pour venir en parler. Ce serait chouette, ça. Ouais. Donc voilà. Bonne chose de faite. Ouais, excellent. Félicitations, Alain. Ouais. Ok. On va enchaîner là avec un rapide retour, je crois, hein, sur les superstitions. On Oui. avait lancé un appel parce qu'on avait un trou lors de ton dossier, savoir est-ce qu'il y avait des superstitions modernes. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de quelques il y a eu quelques réponses que tu vas nous dire. Quelles sont-elles là? Oui, alors il y en a pour qui j'ai pas les noms en fait parce qu'elles sont issues de mon observation des gens que je fréquente pendant une semaine ou 15 jours même. Par exemple, au supermarché, prier pour que la carte passe, pour que la machine l'accepte, ou prier pour qu'il y ait une place de parc. Donc là, on est dans de la matérialisation de la volonté. Ou regarder un match de foot en direct plutôt qu'en vidéo. Ça, je sais pas si t'étais au courant, mais les enregistrements de matchs de foot n'ont absolument aucun succès. Les gens n'ont pas envie de les regarder. Et l'hypothèse, c'est qu'on pense pouvoir influencer les résultats quand on les regarde en direct. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là, c'est encore une illustration d'une forme de matérialisation de la volonté. Appeler sa voiture chérie, une personnification de l'objet. Ou alors, il y a tout ce qui concerne l'informatique. L'email ne veut pas partir, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Ça, on est dans la psychologisation de l'objet. On lui prête une intention. Il y a des trucs comme la culture biodynamique. Je sais plus ce que c'est exactement. Je crois que ça consiste à effectuer la récolte au moment de la pleine lune. Donc voilà, là on serait dans une influence de la physique sur la biologie, tout comme avec tout ce qui touche à l'homéopathie, les alicaments, les probiotiques, c'est aussi, on prête des propriétés physiques, en fait, on prête au monde de la physique des propriétés qu'elle n'a pas forcément, sur la biologie. Puis autrement, dans les autres superstitions, les autres peurs du genre plus ou moins moderne, en tout cas que n'a pas dû connaître Cro-Magnon, il y a tous les délires autour des ondes Wi-Fi, la peur du micro-ondes, les biberons qui doivent être obligatoirement stérilisés, préparés avec de l'eau préalablement bouillie. Ça vient de ma petite sœur. voilà, qui a eu un bébé il y a quelques mois. Et puis ça l'embête en fait de bouillir, de stériliser ses biberons alors que on a survécu pendant des générations sans les stériliser. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la superstition là-dessous quand même probablement. Et puis on a Bastrac ou Bastrache, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous a fait un commentaire sur le site. Alors je le lis. Au sujet de la superstition, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui se réfère aux objets porte-bonheur, le sportif qui porte toujours le même maillot, le gris-gris que l'on a dans la poche pour un rendez-vous ou un examen important. Bref, la superstition change en même temps que changent les objets de notre quotidien. Donc, effectivement, les superstitions évoluent, quoi. Mais même si c'est les mêmes phénomènes, les gris-gris, ça existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, c'est plutôt matérialisé à travers des objets modernes, effectivement. On a Thomas Fouchard sur notre page Facebook qui nous suggère les légendes urbaines comme superstition moderne en mettant en lien un site urbanlegendsonline.com. On mettra bien sûr le lien sur le blog de l'émission. Bon, les légendes urbaines, est-ce que c'est vraiment des superstitions? J'ai l'impression que c'est un petit peu plus que ça, parce qu'il y a ce phénomène de boule de neige qui fait que l'histoire prend finalement qu'on y croit ou pas au départ. Par contre, le lien pointe sur un autre site qui s'appelle superstitionsonline.com. On mettra aussi le lien. Là, on est en plein dedans. Alors, des tas d'exemples de superstitions, plus ou moins modernes. C'est super intéressant. Et puis on a un commentaire qui arrivait un petit peu tard, parce que notre anti-spam n'en a pas voulu. C'est un gros rescapé de podcast science, lui, hein. Ouais, On a failli le rater. exactement, c'est fou quand même, hein, ce que peut décider un filtre anti-spam de son Ouais. plein gré. Ah ouais. C'est Algès ou Al.jes, J-E-S, je sais pas comment ça se prononce, Al.jes. Donc, qui nous donnait un exemple de superstition moderne, quand on dit mon ordinateur ne veut pas fonctionner, ou plus généralement quand on reporte nos erreurs sur l'outil qu'on utilise plutôt que sur soi-même. Voilà, et puis il nous fait un petit rappel de ce qu'est un PEBCAC, c'est-à-dire un point, c'est l'acronyme pour dire en anglais que le problème existe entre le clavier et la chaise. Il n'est pas Voilà. forcément dans l'ordinateur. Enfin, je crois que toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord Oui, avec ces assertions. avec ça, je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est pas une superstition qui est née, enfin qui est moderne. À mon avis, il a dû exister depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Mais C'est sauf quoi, que c'est juste. l'ordinateur qui veut pas démarrer? Oui, l'ordinateur qui ne veut pas démarrer, mais ça pouvait être la calèche qui ne voulait pas démarrer ou le cheval qui ne voulait pas arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ouais. quelque chose. C'est pas quelque chose qui a été créé pour. C'est pas une superstition qui est née de notre temps. Ouais, C'est je plus sais pas une si je suis d'accord avec toi, parce transposition. que la calèche, il y avait forcément un cocher, il y avait un cheval, enfin les deux peuvent avoir des intentions. Alors que là, c'est un truc qui aurait évolué, mais finalement pour se reporter sur quelque chose qui n'est, enfin un objet qui n'est pas censé avoir d'intention. Encore que moi, je suis convaincu que mon ordinateur parfois est vraiment volontairement désagréable, que l'ascenseur fait exprès de ne pas arriver quand t'es pressé. Parce qu'ils t'en veulent, c'est ça? Bah ouais. Voilà, d'accord. Ok, donc très superstitieux sur ce genre de truc alors. Ouais. Pas du tout sur le reste, mais quand on parle de d'ascenseur aux heures de pointe ou surtout d'ordinateur qui fait la gueule quand t'es pressé, quoi. Si. Mais je pense D'accord. qu'ils sont mal intentionnés. Ok, l'avenir nous dira, on verra s'il se retourne contre nous. Ouais, bah ça ne serait tardé. Je me demande s'ils se sont pas déjà retournés contre moi. Là, ça frise la paranoïa, mon beau Alan. Ouais. Voilà. Toi, par contre, tu voulais nous parler de choses plus sérieuses et qui sont de saison. Oui, alors, donc, comme tu le dis, aujourd'hui, je vous propose un sujet qui est total accord avec cette magnifique période de l'année que l'on connaît là, qui est l'hiver. Alors, si pour nous, les êtres humains, l'hiver, ça rime avec cadeau de Noël et fondue savoyarde, c'est très très différent. Attention à ce que tu dis, hein. Fondue, Non, fondue. non. Ouais. Mais c'est très différent chez nos amis les animaux. Alors, si certaines espèces, elles ont pris l'option voyage et elles ont migré depuis belle lurette vers des climats plus cléments, il y en a d'autres qui ont décidé de rester et qui ont développé une technique qui n'a pas fini de nous fasciner. Je veux bien parler de l'hibernation. C'est la lutte des classes chez les animaux, ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ont Voilà. trouvé une un stratagème. Ils ont pas le charter, donc ils sont obligés de rester, quoi. Alors, mais un premier fait étonnant qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a différents degrés d'hibernation. Alors, on distingue tout d'abord la torpeur, où l'animal, souvent un oiseau ou une chauve-souris, baisse seulement légèrement sa température pour éviter de gaspiller son énergie dans le but de se réchauffer. Tu vois, c'est juste une Okay. petite économie, comme ça, pour pas trop en gaspiller. Après, il y a ce qu'on appelle la somnolence hivernale ou hivernation. Alors, il faut pas confondre hivernation et hibernation, hein. C'est hibernation. Et là, c'est ce que connaissent très bien les ours, par exemple. Et ouais, un ours, ça n'hiberne pas, ça hiverne. Là, j'ai Ça, déjà. c'est le scoop de la Ouais, c'est le soirée. scoop du dossier, quoi. Là, il y a tout ce que j'ai appris qui s'est écroulé. L'ours n'hiberne pas. Il Donc voilà, hiverne. il hiverne. Ok. Alors, qu'est-ce que ça consiste en quoi ça consiste? Dans cet état endormi, alors la chute de température corporelle est de l'ordre de 5 à 10 degrés juste. Donc ce sommeil-là, il est entrecoupé de phases de réveil où par exemple l'ours femelle peut mettre bas. Ah, Donc ça n'a rien à carrément. voir Ah ouais. avec ouais. Ça a absolument rien à voir avec avec l'hibernation, quoi. Là, l'ours femelle elle met bas vers la... c'est vers elle met bas et elle se rendort pendant que ses petits se font allaiter comme ça, tranquille. Ah, c'est pas mal, c'est un bon Ouais. timing finalement. Oui, en fait, c'est Petite fait exprès, formalité, on met bas en vitesse, on se hein. rendort. Ben, en Ouais? fait, en explorant ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est en fait, elle garde son ovule fécondé. Si son ovule est fécondé avant l'hiver, juste avant l'hiver, ben, elle le garde bien au chaud. Avant, il n'est même pas en nidation encore, il n'atteint même pas l'utérus. Il est juste fécondé. Et elle attend vers décembre, janvier. Et là, il commence à se développer à l'intérieur et tout. Donc en fait, c'est vraiment pour contrôler les naissances. Il n'y en a absolument pas en début d'hiver, quoi. Et tout ça sans avoir un calendrier sous la main, sans Ah avoir une ouais. palme, Ah non, là, tout des ça, c'est alertes, des rappels. 100% naturel. C'est impressionnant, c'est fou. Ouais. Et maintenant, enfin, il y a le stade ultime qui est l'hibernation elle-même. En fait, elle concerne que des animaux généralement petits, comme l'hérisson ou l'écureuil d'Amérique, ou plus qu'on connaît un peu mieux, la marmotte. Alors, lorsque ceux-ci hibernent, leur température peut chuter jusqu'à atteindre 1 degré Celsius. Waouh, ils sont Ouais. limite congelés. Là, ils sont limite congelés et leur cœur, il ralentit de 300 battements par seconde à juste 3 battements par seconde. Par minute, désolé. Ok, De 300 de 300 à par... 3. Ouais, de 300 à 3 par minute. Donc, on peut vraiment dire que c'est un état quasi de mort, hein, avec une baisse du métabolisme de plus de près de 98%. Donc, vous l'aurez compris, l'intérêt que ce soit hibernation, c'est vraiment d'économiser l'énergie dans des périodes qui sont très difficiles comme l'hiver. Et là, la nature est très bien faite. Pour savoir qu'est-ce qui hiberne, c'est facile. Si l'animal fait moins de 7 kilos, il hiberne. Donc, Ok. parce que c'est beaucoup plus rentable. Et s'il fait plus de 7 kilos, comme les ours ou les blaireaux, ben, il hiverne. Parce que sinon, son métabolisme n'est pas adapté à une hibernation, genre contrôlée jusqu'à atteindre 1 degré Celsius. Tu vois le truc? D'accord. En fait, c'est la nature, c'est l'évolution qui a fait que c'était plus ou moins rentable d'hiberner ou d'hiverner, en fait. Donc, voilà. Et maintenant, pourquoi l'homme s'intéresse-t-il à ce processus qui ne le concerne visiblement pas? Alors, tout simplement parce que l'hibernation pourrait nous être d'une grande aide. Un parfait exemple, c'est la médecine. En étudiant l'ours pendant sa somnolence, on a découvert qu'il sécrétait une molécule qu'on a baptisée DADLE, DADLE, qui a la propriété de ralentir l'activité cellulaire. Donc, on peut alors imaginer que l'injecter, par exemple, à des organes en attente de transplantation, tu Ouais. sais, quand ils sont en transport pendant du donneur jusqu'au receveur, ça pourrait allonger leur longévité, leur durée de vie hors du donneur. Il y a D'accord. aussi les militaires qui s'intéressent beaucoup à cette fameuse molécule de l'hibernation, parce qu'elle permettrait de mettre les grands blessés dans un état de léthargie, tu sais, sur les champs de bataille, pour en attente de les transférer vers un centre médical pour qu'ils soient opérés. Ça pourrait permettre de sauver vraiment beaucoup de vies. Mais là, la recherche que je préfère, en vrai, celle qui me donne le plus de rêves, c'est la NASA qui voit encore plus grand. Tu vois, cette Daddle pourrait être la clé pour des voyages spatiaux de plusieurs années. Donc là, t'imagines vraiment fini les problèmes de place dans les vaisseaux. Il suffirait d'une couchette, de la nourriture en intraveineuse et le tour serait joué, quoi. Ce serait énorme. Ouais, et encore, si on arrive à reproduire les mécanismes de Ah oui. l'hibernation, il n'y aurait même pas forcément besoin de nourrir Oui, par mais intraveineuse. ben justement, comme tu m'y fais penser, je mettrai le lien pour ceux qui veulent. Ils peuvent lire une bande dessinée de Marion Montaigne qui traite de cette hibernation-là, cette hibernation des astronautes. Et en fait, le souci qu'elle retranscrit de façon très humoristique, c'est que, imagine, il faudrait quand même qu'ils prennent 15 à 40% de leur poids en graisse avant d'y aller. Ah bah oui, évidemment, il faut qu'ils aient de la réserve. Ouais, c'est de la réserve, donc je suis pas sûr qu'il rentrerait dans le caisson. Et ah oui, autre fait assez fou. J'ai parlé d'hibernation et de cette prise de graisse, tout ça. Il faut savoir que 80% de cette graisse-là n'est pas utilisée pour la nourriture, en fait. Et elle est utilisée pour réchauffer l'animal pour D'accord. ses phases de réveil, en fait. Imagine un hérisson qui est en train d'hiberner. Il est à 1 degré Celsius et en fait, il utilise beaucoup de sa graisse, genre 80% de sa graisse, pour pouvoir se faire comme un radiateur, la brûler, faire un radiateur pour pouvoir se réchauffer, pour se réveiller et pour pouvoir déféquer, manger un petit peu, tout ça. Voilà. Ok, le temps que la Et machine se remette en route pour qu'il pète pour que pas la trop. machine se mette en route pour éliminer tous les déchets toxiques, tout ça. Et donc voilà. Et d'ailleurs, cette graisse qui n'est que l'on a en très petite quantité dans le corps humain, c'est de la graisse brune Ah qui, oui. elle, ouais, la graisse brune qui, elle, vraiment brûle très bien, et par rapport à la nôtre qui nous permet plus de nous nourrir, quoi, de donner des nutriments. Ouais, alors c'est rigolo à ce sujet-là. J'ai entendu dire qu'en fait on a cette graisse brune, mais uniquement au stade de nourrisson. Les bébés, les nouveau-nés sont incapables de trembler pour se réchauffer, par exemple, parce que les circuits neuronaux ne sont pas encore en place, mais en même temps, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont protégés par cette graisse brune qui a des pouvoirs isolants hallucinants par rapport à la graisse quoi, elle est blanche, la Blanche, ouais, nôtre, je ouais. pense. Ouais. Ouais, La un peu graisse comme blanche, la graisse de porc, quoi. ouais. Ça me fait délirer que tu dis ça, parce qu'il y a des études qui ont été faites, parce qu'en fait, cette graisse, elle est assez difficile à trouver à l'état adulte chez nous. Mais en fait, parce qu'elle est. Sauf qu'avec les nouvelles techniques d'imagerie, tout ça, on a réussi à la détecter parce qu'elle est. Pardon. Elle est constituée. Il y a beaucoup de fer à l'intérieur, en fait. Et D'accord. grâce à l'imagerie médicale qui s'est vraiment modernisée, on arrive à en déceler chez l'homme, en fait. L'homme adulte, hein, je parle. Donc voilà. On en trouve notamment dans le cou et un peu sur le front, ce qui est assez bizarre. Mais voilà, affaire à suivre. Il faudra que je me re-renseigne dessus. C'était vraiment pendant que je regardais sur mon dossier sur l'hibernation, en fait, que j'ai vu ça. Donc on vous redira ça. Ouais, il faudra qu'on mette ça de côté, c'est vrai, c'est Ouais. un sujet super intéressant à traiter. Donc voilà. Donc juste pour finir, pour conclure sur l'hibernation, tout ceci pour l'instant, tout ce qui est voyages intersidéraux, hibernation humaine, c'est quand même de la fiction. Mais ça pourrait quand même être la clé pour nous aider à atteindre des endroits qu'on pensait hors de portée. Et la NASA pense réellement pouvoir envoyer d'ici 2025 un voyage des hommes sur une lune de Jupiter. Donc 6 ans aller, 6 ans retour. D'accord. Donc voilà. Mais il va falloir encore faire beaucoup d'expérimentation, de recherche, parce qu'il y a, il suffit pas d'avoir cette molécule, il y a beaucoup d'autres trucs qui rentrent en jeu, quoi. Ouais, tu Donc voilà. m'étonnes. Et puis en même temps, si on continue les recherches sur le plasma dont on parlait la semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu parler du projet, je saute un peu du coq à l'âne, du projet Vasimir, je ne sais pas comment ça se prononce, Vasmir, hein, c'est ça? ouais, ça s'écrit Vasimr, ouais, enfin Vasimir, j'imagine. Ouais, c'est le nouveau moteur, enfin propulsion. Exactement, ouais. Ouais. J'en avais entendu parler, ouais. Donc ouais, avec ça, tout combiné, mais de toute façon, je pense que Mais il c'est... y aura quand même quelques années de voyage hein, Oui, il y aura... pour arriver sur les lunes de Et Jupiter. donc, ouais, il y aura des années, mais ça pourra être... S'ils hibernent, ça pourra peut-être être plus vivable que de rester 6 ans enfermé dans une... dans un cockpit, t'imagines? Ouais, ce qui doit relever de l'impossible. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas Ouais. des astronautes russes encore sur un camping, un parking au Kazakhstan en train de simuler une isolation. Ça fait plusieurs mois que j'ai plus entendu parler de ce truc, mais enfin j'imagine que l'expérience continue. C'est pour Ah simuler les ouais, conditions d'un voyage vers Mars. ouais. Les mecs se sont isolés dans une espèce de truc de la taille d'un garage, puis ils sont censés vivre les uns sur les autres là pendant 6 mois, voir si ils arrivent bêtement à survivre, quoi. Ça a été lancé, je sais plus, c'était au printemps, il me semble, on doit arriver gentiment au bout de l'expérience. Tiens, voilà, ça me donne D'accord. une idée, je vais creuser un peu, voir où on en est avec ce Voilà quoi. truc-là. Non mais voilà. Ouais, bah C'est c'est cool. intéressant. Bon, moi, ça m'a juste évoqué une réflexion, ton sujet, une réflexion supplémentaire. T'as introduit en disant qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec l'homme. Je me demande s'il n'y en a pas un, quand même, finalement. Enfin, je suis influencé dans cette réflexion par une lecture que je suis en train de faire en ce moment d'un manuel de psychologie qui. Je l'écoute enfin, je le suis en livre audio. Puis il y a un ou deux jours, j'étais sur le chapitre des SAD, les Seasonal Affective Disorders, c'est-à-dire les dépressions saisonnières. Qui sont un phénomène assez courant pendant lesquels le sujet se sent déprimé, il a tendance à manger plus, il manque d'énergie, et puis il semblerait qu'il y ait des études qui ont cherché à voir si ça n'avait pas un rapport avec le phénomène d'hibernation ou d'hivernation. Si ce n'était pas un D'accord. vestige, quoi, une réminiscence chez l'être humain d'un réflexe archaïque. Parce que finalement, ça y ressemble pas mal, quoi. Il y a eu une étude d'un certain Norman Rosenthal en 1984 qui faisait le lien entre les deux, donc entre la dépression passagère hivernale qui est traitée maintenant par la luminothérapie, c'est Ouais. ça? Ouais. Oui, c'est le fait de s'exposer aux premières heures du lever à de la lumière artificielle. Comme une lampe, quelque chose comme Ouais, ça, c'est assez ça, ouais. spécial. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, Bah pour compenser en fait le manque de lumière qui a un effet ouais. direct sur le métabolisme et sur l'état en général quoi. Enfin, je trouve assez intéressant. C'est vrai que si on arrive à mieux comprendre les mécanismes de hibernation, c'est quoi le mot générique d'ailleurs pour ce truc-là? Alors, c'est cessation d'activité saisonnière, je crois. D'accord. Bah, peut-être qu'on arrivera à mieux passer l'hiver aussi, à comprendre mieux comment ça fonctionne. Et puis éventuellement, ça c'est un rêve pieux, adapter nos rythmes à cette C'est réalité biologique. vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet angle-là de, bah de ce stress dû au manque de lumière. Et ouais, sûrement que ça doit être un vestige, hein, je pense. Faudra creuser, ouais. Faudra Ouais, à creuser aussi. creuser. En tout cas, On a trop de si. choses à creuser. Ouais, on a pas mal de trucs à creuser. Hein. Et si tu cherches un cobaye humain pour de l'hibernation, moi je me porte volontaire. Ah Je dormirai oui. bien tout l'hiver, ça doit être sympa. Ah ça c'est Après, sûr. ouais, il y a quelques petits détails logistiques à régler, mais enfin. Tu Peut être m'étonnes. cool. Voilà. Ok. Bon, bah Sans toi, tu nous as. transition, hein. Ouais, sans Ouais. transition, tu nous as parlé de l'hiver, du manque de Ouais. lumière. Bah, moi je vais faire tout le contraire. Puisque je vais parler de la désinfection solaire de l'eau, c'est un des sujets qui nous avait été demandé. Donc, ouais, parmi les nombreux problèmes auxquels doivent faire face les pays en voie de développement, bah, il y en a deux qui ont trouvé une solution toute simple. De manière un peu marginale d'abord, c'est le problème des recyclages des bouteilles en PET. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un véritable fléau dans les régions qui n'ont pas les moyens de gérer leurs déchets. Contrairement aux déchets organiques, les bouteilles en plastique sont increvables ou quasi. J'ai trouvé une estimation sur le site du Centre pour l'océanographie microbienne à Hawaï, qui indique que même en pleine mer, il faut quelques 100 ans à la nature pour venir à bout d'une bouteille en plastique. Donc Faux. les montagnes de PET ne font que s'accumuler, c'est une horreur. Et puis le deuxième problème concerné, et surtout d'ailleurs, c'est le problème de l'eau potable. Donc il y a plus de 900 000 personnes aujourd'hui sur la planète qui n'ont accès qu'à une eau de qualité sanitaire insuffisante. Et ben cette eau peut désormais être désinfectée à moindre coût. Grâce à l'idée géniale et toute simple du professeur Afti Makra de l'Université américaine de Beyrouth dans les années 80, qui est à l'origine de cette révolution, il s'est posé une question toute simple: et si on utilisait les rayons ultraviolets du soleil pour purifier l'eau? Et puis bah il avait raison. Il a bien fait de se poser cette question parce que ça marche. Alors comment ça marche? Ben plus simple, c'est pas possible. C'est une recette toute bête en quatre étapes. Il y a qu'à suivre le mode d'emploi. 1. Il faut laver les bouteilles en PET transparente avant emploi. 2. Les remplir aux trois quarts de l'eau qu'on trouve à disposition, donc vraisemblablement contaminée. Les refermer, les secouer pendant 20 secondes et finir de les remplir complètement. Bon, évidemment, en fonction de la turbidité de l'eau, c'est-à-dire si elle est pleine de terre, de sable, de sédiments, enfin si elle est crade, quoi, il faut la filtrer au préalable. Voilà. Sinon, étape 3, ben, il suffit d'exposer les bouteilles pleines au soleil. Idéalement les déposer sur une surface réfléchissante, ce qui accélère le processus, et attendre 6 heures s'il fait grand beau ou si le ciel est partiellement nuageux, ou jusqu'à 2 jours s'il est extrêmement nuageux. Et 4, tout simple, boire sans risque. C'est D'accord. formidable, Ah hein? ouais. Ah oui. D'accord, Ouais. c'est juste comme ça. Ouais, juste comme ça. D'accord. Juste comme ça, il suffit de laisser l'eau dans les bouteilles en PET au soleil pendant 6 heures. Ok, donc les bouteilles qui sont en PET, c'est juste pour recycler quoi. Enfin, Non, ça. non, non, Ah ça a non. son importance, ouais. On Ah va y d'accord. venir. Ok. Ouais. Donc voilà, juste pour finir avec la méthode, en fait, il n'y a que s'il pleut continuellement que la méthode ne fonctionne pas. Autrement, même s'il ne fait pas très beau, ben, il suffit d'attendre un peu plus longtemps, puis le processus fait son œuvre. Alors, c'est une méthode qui porte un nom, c'est la désinfection solaire de l'eau, en anglais Solar Water Disinfection, donc SODIS. Pour son petit nom, pour les intimes, la méthode SODIS. Et ce qui se passe en fait exactement dans la bouteille, c'est bah, si on prend les problèmes les uns après les autres, les bactéries tout d'abord, comme les comment on dit en français, les E. coli, ouais, Et Escherichia coli? ouais, enfin le petit Ouais. nom, ouais, je sais pas, les Ouais, E. Anglais disent coli? E. coli, ça doit être Ouais. E. coli, je pense en E. coli, français, oui. ouais, et les salmonelles qui sont très sensibles aux rayons UVA. Donc ces bactéries sont très rapidement détruites par la lumière solaire. Les virus, comme le rotavirus qui est à l'origine de la plupart des diarrhées chez les jeunes enfants dans le monde, et le poliovirus, cet affreux machin qui est à l'origine de la poliomyélite, eux sont légèrement plus résistants, mais ils meurent également en l'espace des 6 heures recommandées. Et puis, les parasites, par contre, sont un peu moins sensibles à la lumière solaire, alors que les kystes de Giardia, c'est un parasite qui colonise l'intestin, qui est à l'origine de nombreuses diarrhées, sont inactivés en l'espace de 6 heures. Les kystes des cryptosporidies, en revanche, un autre parasite de l'intestin, requièrent une exposition solaire de quelques 10 heures. Mais enfin, l'une dans l'autre, on en vient à bout quand même. Et quant Putain. aux amibes, alors c'est un autre phénomène, c'est plus les UV, c'est les infrarouges du soleil qui ont leur peau en faisant chauffer l'eau à plus de 50 degrés. D'accord. Ceci dit, les mécanismes précis de la mort des germes infectieux n'est pas encore complètement éclairci. Pour les bactéries, par exemple, les chercheurs supposent que les UVA endommagent leur chaîne respiratoire à un point tel qu'elles ne sont plus en mesure d'assurer leur auto-régénération, mais on n'en est pas tout à fait sûr encore. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne et c'est déjà pas mal, quoi. Ah oui, non, mais c'est en plus c'est à moindre frais, hein, là, y a pas photo. Ouais, vraiment, vraiment, ça coûte 3 fois rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que ça fonctionne? Quelles sont les conditions? Donc, on l'a vu, le système fonctionne même si le ciel est très nuageux, ça prend juste un peu plus de temps. Par contre, il faut absolument pas qu'il pleuve, sinon c'est fichu. Les bouteilles doivent être déposées à l'horizontale pendant le processus. À la verticale, ça marche pas non plus. J'imagine que c'est la surface d'exposition qui est pas suffisante. Les bouteilles doivent être transparentes et incolores. Donc une bouteille de couleur verte ou le brun absorbe la lumière UV, donc ça fonctionne pas. Les bouteilles doivent être relativement neuves, c'est-à-dire qu'une bouteille usée, griffée, utilisée pendant plus d'une année ne laisse plus aussi bien passer les UV et c'est fortement déconseillé. Mais enfin bon, une année, c'est déjà pas mal, on peut réutiliser sa bouteille quand même un certain nombre de fois. Et puis, est-ce que c'est le dernier tour? Non, l'avant-dernier, c'est pas tout à fait le dernier, on parle bien de désinfection de l'eau contaminée par des germes infectieux. Si l'eau a été contaminée par des substances toxiques, des engrais, du pétrole, des métaux, bien sûr, la technique ne fonctionnera pas. Et puis enfin, last but not least, les bouteilles doivent être en PET, c'est-à-dire en. Tu sais ce que c'est l'acronyme? Ah, pas du tout. En polyéthylène téréphtalate. Il fallait quand D'accord. même que je la place. Et non en PVC, donc c'est l'autre substance avec laquelle on faisait des bouteilles en plastique. Ça, c'est du polychlorure de vinyle. C'est une substance dont on sait aujourd'hui qu'elle est directement toxique et mauvaise pour la santé. Pour le PET, on l'évoquait dans le dossier sur l'épigénétique, c'était podcast science numéro 3 en septembre dernier. Le transfert des phtalates dans l'eau dépend de la durée de contact entre le liquide et le plastique. Donc, si on laisse stagner l'eau dans la bouteille en PET pendant une année, du point de vue bactériologique, il n'y aura aucun problème. Par contre, il y a transfert de phtalates qui pose des problèmes. Pas sur le plan de la santé publique au sens où on l'entend habituellement, mais plus au niveau des impacts épigénétiques. Donc c'est des conséquences encore plus graves et encore sur le plus long terme. Mais enfin bref, une exposition de 6 heures dans une bouteille quasi neuve, ça ne présente absolument aucun danger. Aucun danger. Donc en somme, il faut pas grand-chose pour que ça marche. C'est pas aussi confortable que de simplement tourner un robinet Ah, comme bah oui, on mais a la bon. chance sous certaines latitudes. Mais bon, évidemment, tout est relatif. C'est quand même mieux que de choper un de ces vilains parasites tropicaux. Est-ce que là, c'est une technique, mais est-ce qu'elle est accompagnée de tests pour tester l'eau, quelque chose comme ça? Tu sais pas? Ouais, c'est une bonne question. Non, Parce je sais pas. que tu me dis 10 heures, 6 heures, 10 heures, tout ça. Mais pour être sûr, il n'y a pas de garantie en fait. C'est une recette. Ouais, je pense que si tu prends n'importe quelle eau sur la planète et puis que tu appliques ce truc, c'est un petit peu au bonheur, la chance, quoi. Effectivement, pour D'accord. savoir si c'est En tout 6 cas, heures ou c'est. 10 heures, il vaut mieux qu'il y ait Ouais, mais c'est un toujours test mieux que de la derrière. boire comme ça, hein, brut de. Ouais, de Brut. toutes les manières, ouais. Ouais. Je me suis posé une question, c'est celle du goût. Du goût de Ouais. cette eau. Alors, il semblerait que, en fait, le processus n'altère pas du tout le goût, contrairement à la cuisson de l'eau qui permet à l'oxygène de s'échapper et change complètement sa saveur, quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'eau bouillie, c'est pas bon. Bah, ce processus, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, n'altère en rien le goût de l'eau. Donc, si elle était deg au départ, elle reste deg à l'arrivée. Par contre, si elle était bonne, bah, elle reste bonne. D'accord. Ouais, qui gère le projet? Où en sont les recherches? Bah là, c'est aujourd'hui en fait la recherche a été reprise par le groupe de chercheurs de Martin Veglin de l'EAVAG en Suisse. C'est l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux. C'est l'un des 6 établissements des écoles polytechniques fédérales en Suisse. Enfin, c'est conduit sous la direction de ce Martin Vegelin de l'EAVAG, et le Royal College of Surgeons en Irlande est également impliqué. La méthode est au point maintenant. Ce qui compte, c'est de l'implanter, pardon, là où il y en a besoin. D'après le D'accord. site web du projet, www.sedis.ch, il y a déjà 3 millions de personnes sur la planète qui traitent leur eau quotidiennement de cette manière-là, avec cette méthode-là. Mais évidemment, malgré cela, il y a encore presque 1 milliard de personnes sans accès à l'eau potable, donc il y a encore du boulot. Ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est un Hein. début, mais tout reste à faire, quoi. Oui, c'est sûr. Et c'est pas très compliqué à faire parce que ça ne nécessite aucune infrastructure, ça ne nécessite pas de gros travaux, ça nécessite juste un peu de formation. Cette formation, bah évidemment, elle a un coût. Avec 50 francs suisses, l'équivalent de 38 euros, on peut former 5 familles à la technique. Avec 200 francs suisses, c'est-à-dire 152 euros, on forme toute une salle de classe. Et puis avec 910 francs suisses, 692 euros, on intègre carrément la méthode SODIS dans des programmes gouvernementaux et des ONG. en s'assurant ainsi que tout le monde dans une région donnée ait toujours accès à de l'eau potable, et puis là évidemment en suivant un protocole précis avec des tests quant à la qualité de l'eau. Donc les efforts aujourd'hui se concentrent essentiellement en Afrique subsaharienne, dans certaines régions reculées de Colombie, d'Inde, mais les moyens sont limités, les formations ne peuvent pas être dispensées partout en même temps. Donc, à notre petit niveau modeste, moi, ma proposition à l'approche de Noël, c'est que chacun d'entre nous, chacun de nos poditeurs, remplace au moins un cadeau idiot, inutile, polluant et probablement fabriqué par un gosse esclave en Chine, par un petit don au projet SEDIS. C'est pas souvent qu'on milite chez Podcast Science, on choisit nos causes, mais celle-là en est une Belle excellente cause. à l'approche des fêtes. Ouais. Belle cause. Donc voilà, on mettra toutes les informations sur le site. Sur comment faire cette donation. Voilà. Non, ok. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Bah, Drôlement mais. intéressant, en fait. Je Comme m'attendais quoi. pas à découvrir tout ça. Ouais, comme quoi, des solutions très simples peuvent marcher, quoi. Juste une bouteille en plastique, de l'eau et du soleil, et voilà. Ouais, Je trouve c'est ça complètement épatant. fascinant. Ouais. Il suffisait Fascinant. juste que quelqu'un ait l'idée. C'est fou, Et quoi. qu'un ose, ouais, quelqu'un Ouais. ose dire ça, quoi. Et en plus, le problème de traitement de l'eau, c'est depuis très longtemps. Et j'avais entendu parler d'un truc qui était plutôt historique. Est-ce que tu connais la verdonisation? La verdonisation, c'est un mot que j'ai entendu, mais je sais plus ce que ça veut dire. Oui, donc comme son nom l'indique, ça vient de Verdun. Et en fait, D'accord. c'est un procédé de désinfection de l'eau, en fait, qui a lieu grâce au chlore, qu'on connaît bien. Et OK. ça a été expérimenté en tout premier, ben, pendant la guerre, Première Guerre mondiale, à Verdun, pendant le siège de Verdun. Et en Dans les fait, tranchées. ouais, dans les tranchées, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un seau, ils mettaient de l'eau dedans. Et ils mettaient des pastilles de chlore, et en fait, ils agitaient le seau pour qu'il y ait un tourbillon, en fait. Et cette technique permettait de désinfecter l'eau. Et ça a donné lieu à nos techniques d'aujourd'hui où on injecte de la javel dans les pompes centrifuges des centrales d'eau, en fait. Et en fait, c'est exactement le même principe, C'est la même chose, ouais. la même chose, mais mis à un truc. Et donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, le traitement de l'eau, ça a toujours été quelque chose de primordial pour l'humanité. Et là, connaître ce nouveau procédé, c'est vraiment cool, Ouais, c'est chouette. Et puis en plus, ça donne pas un goût dégueulasse comme le quoi. chlore. Oui, comme quoi, hein? Eh ben ouais. Mais voilà, quoi. Mais ah oui, tu disais, j'ai oublié de te poser une question, c'est pourquoi il faut pas qu'il pleuve? Parce que du coup, il n'y a plus assez de soleil, plus assez de rayons UV, plus assez Oui, d'infrarouge bah ouais, pour que d'accord, le mais sauf si processus puisse après on le fonctionner. laisse. Si on le laisse après, d'accord. Ah oui, Ok, s'il arrête ça. de pleuvoir, ouais, il y a pas de problème. Ok, je pensais que ça annulait vraiment l'effet. D'accord. Ok. Voilà. C'est Sinon, alors exactement. attends, on va enchaîner. Sans Mathieu pour les Ouais. transitions, On est on est pas perdu, top. franchement. Hein, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait raconter? Voilà. Ah oui, moi j'avais un petit plug à faire en fait pour le grandpublic.fr. C'est le journal en ligne de la médiation scientifique. Et puis un petit coup de pub en passant pour l'une de ses contributrices, Anaïs, qui publie également l'excellent blog Science et Cupcake. On mettra l'adresse, bien sûr, c'est science et cupcake tout collé.wordpress.com. Très sympa. Je vous invite vraiment à aller y jeter un petit coup d'œil. Ouais, pour avoir discuté en plus avec elle sur Twitter, tout ça, c'est vraiment quelqu'un de passionné et qui aime vraiment la science et qui fait un master en communication scientifique que j'envie beaucoup. Je sais pas toi, mais moi ça me plaît vraiment beaucoup ce master. Ouais, t'es pas le seul. Ouais. Donc voilà quoi. Comme quoi, il y a vraiment beaucoup de formations pour communiquer autour de la science. Ce qu'on fait de façon amateur, ils le font de façon professionnelle. Ouais, il y a vraiment une lame de fond de la communication scientifique qui est en train de se produire en ce moment. C'est assez génial d'assister à tout ça, d'ailleurs. Ouais, d'en faire partie surtout. à notre, ouais, à À notre modeste niveau. notre modeste niveau, oui, bien sûr. Mais c'est cool, c'est cool. Donc voilà, allez voir son blog Science et Cupcake, donc, comme son nom l'indique, qui traite de science et de pâtisserie. Donc c'est vraiment un régal pour le cerveau et pour les yeux. Absolument. Ouais, voilà. Voilà, et puis là on est arrivé à ce qui serait normalement, si Mathieu était des nôtres, le moment phare de l'émission, la quote. La quote. Alors toi, Ouais. t'es allé lui arracher sa quote au fin fond de l'Argentine. Ouais. Ouais. Du Mais fin fond de on l'a l'Argentine, étudié, on ouais. s'est dit que non, on s'en sortait pas. Hein. Ouais. Sans lui, c'était pas possible. Sans lui, Ouais, c'était pas c'est possible, pas bien sûr. possible. Donc Mathieu, écoute, si t'arrives à nous rejoindre la semaine prochaine, on te la garde de côté, ta quote. Ou alors on va peut-être l'étudier toute la semaine et peut-être qu'on arrivera à l'assumer, à la comprendre. Autrement, bah, en fait, voilà, on est obligé de faire une quote chacun pour arriver au niveau de la quote de Mathieu. T'as préparé la tienne? Oui, alors ben, je te l'ai dit en anglais, tu l'as traduit, hein? Ça marche? Ça te marche? Ok. Alors, the scientist is not a person who gives the right answers, is one who asks Ah ouais, j'aime ça. Le the right scientifique n'est pas la personne qui donne les bonnes réponses, c'est la personne qui pose les bonnes questions. Ah, Ah c'est bah, excellent, c'est Claude de qui? Lévi-Strauss. Ah Claude ouais. Lévi-Strauss. Donc, sociologue, anthropologue, très célèbre, donc voilà. C'est vraiment. Français. D'ailleurs, tu crois qu'il a fait sa quote en anglais? Je sais pas, je pense pas, en plus. Ou peut-être que c'était un de ces congrès internationaux, sûrement. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Donc vraiment, vraiment super, super quote. Voilà. Et toi, Alan, alors ta quote inspirante de la semaine? Ouais, alors la mienne, je l'ai piquée à Albert Einstein. Je sais pas dans quelle langue il l'a dite, mais je l'ai aussi en anglais sous les yeux. Tu l'as traduit? Vas-y, vas-y. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? Alors, c'est si on savait ce qu'on faisait, ça s'appellerait pas de la recherche, n'est-ce pas? Je trouve Voilà, elle absolument est énorme. génial. Elle est absolument, absolument géniale, quoi. Donc là, j'espère qu'on a, pour les auditeurs, on est arrivé au niveau des quotes de Mathieu, mais je pense pas. Ah, Il je a pense pas non plus. trop de maîtrise, et voilà. Donc voilà. Mais on a fait de notre mieux pour assurer. Donc, voilà. Absolument. Mathieu, c'est un appel qui t'est lancé à l'autre bout de la planète. Débrouille-toi pour être là la semaine prochaine depuis Ah, et oui, l'Argentine. et donc tu disais oui qu'il était en Argentine, hémisphère sud. Faudra qu'il regarde dans les toilettes pour savoir si l'eau tourne vraiment de l'autre côté. C'est une question qu'on pourra lui poser, qu'il pourra nous répondre à son retour. Ouais. Donc voilà. Ouais, le Donc voilà. fameux effet Coriolis. Ouais, appliqué Ouais. aux toilettes. Ouais, je crois pas que ça marche en fait à l'échelle des toilettes. Ouais, bah, Mais il on lui verra. posera la question, ouais, On il lui faut posera la question, on expérimenter. verra. Bah oui, il faut bien qu'il nous ramène un peu de science d'Argentine, quoi. Ouais, Donc voilà, alors Mathieu, si tu nous écoutes, ta mission est claire. On espère te retrouver la semaine prochaine, ainsi que toutes nos poditrices et poditeurs. Et Antoine, t'es là la semaine prochaine. Oui, là, je suis là, ben, pour le sujet spécialement des poditeurs sur l'apprentissage de la lecture, tout ça. Donc oui, bien sûr, pas de problème. Magnifique. Alors, bah, je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao et bonne semaine. Bonne semaine, ciao.